Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. Aujourd'hui, on revient sur un temps fort plein de sourires, de jeux et de rencontres, la bulle d'air en famille qui s'est tenue le vendredi 5 avril dernier au parc Noisette de Possé-sur-Cisse. Cet événement marquait la clôture de la quinzaine de la parentalité portée par le Réap du Val d'Amboise et rassemblait une belle diversité de partenaires associatifs et institutionnels engagés autour de la parentalité et du lien parent-enfant. Parmi eux, la MJC d'Amboise, le département, le planning familial 37, l'espace santé jeune, l'association Livre Passerelle, les communes de Possé-sur-Cisse et Noisé, l'association Bulle de Môme, l'ALSH Croque Loisirs et bien d'autres encore. Un après-midi convivial et riche en échanges où nous avons rencontré Pierre Morin, vice-président de la communauté de communes du Val d'Amboise, en charge notamment de l'enfance, la jeunesse et la petite enfance. Il nous a donné son bilan de cette journée. Alors, monsieur Morin, vous êtes vice-président à la communauté de communes Val d'Amboise avec la compétence petite enfance, jeunesse et secteur social. Tout à fait. Est-ce que vous vous réjouissez de cette journée temps fort de la quinzaine de la parentalité ? Absolument. On a de la chance aujourd'hui, un temps magnifique. On est accueillis par Possé, un grand merci à la commune. Et nous avons tous les partenaires réunis ici, dans un beau parc de Possé. Et donc, beaucoup de parents, plus de 200 parents. On n'est pas loin des 250. Donc vraiment, une après-midi de réussite, où tous les parents, j'ai vu beaucoup de bébés aussi, de mamans. Voilà, donc beaucoup de questions sur la parentalité, hein, des 1000 jours notamment, mais jusqu'à la MJC. Donc, tout un pan de la jeunesse et de la parentalité. C'est vraiment une très belle journée. Tout le monde est présent et une belle popularité. Donc voilà, à renouveler. Mais c'est à chaque fois un succès puisque la dernière fois sur l'île d'Or, ça avait été aussi une belle réussite, une belle journée. Et d'ailleurs, on a l'impression que justement, c'est en train de s'étendre parce qu'il y a de plus en plus de partenaires qui rejoignent, en tous les cas, le Réap. Et voilà, toutes ces instances de réflexion et de prévention autour de la parentalité. Tout à fait. La parentalité, c'est un sujet qui est très vaste et tout le monde a sa place. Et effectivement, tous les partenaires sont réunis, tous les partenaires sont sollicités et avec une réponse positive, bien entendu. La MDS, bien entendu, est présente aussi à chaque fois pour le côté départemental. Mais non, vraiment, c'est ouvert et tout le monde vient bien volontiers. Parce qu'il y a un intérêt, il y a vraiment quelque chose de concret derrière. Le bien-être des parents, le bien-être des enfants. On a vu beaucoup d'exemples affichés, notamment. Donc c'est, voilà, ça parle à tout le monde. Donc vivement l'année prochaine avec une belle réussite comme celle-ci, voire supérieure. Donc rendez-vous l'année prochaine sur un site surprise, peut-être itinérant dans cette belle communauté de communes. Exactement, toujours bien sûr sur notre territoire. Le site reste à définir, mais voilà, ce sera bien sur notre territoire et ce sera avec plaisir. Et voilà, on commande dès aujourd'hui le soleil. Voilà, territoire qui, rappelons-le d'ailleurs, fait l'objet d'une étude pour un futur projet de territoire sur lequel les nombreux parents qui sont venus aujourd'hui peuvent aussi s'exprimer au travers des outils Internet qui existent notamment. Absolument. Et sur la biodiversité absolument. Également, absolument. Il y a plein de choses absolument. En ce moment à la CC. Absolument, vous avez raison, vous êtes bien au fait. Effectivement, c'est un exercice normal de démocratie. Et tout le monde peut participer à différentes manières, effectivement, vous avez raison. Et on engage, la CCV engage tous les parents, mais tous les jeunes aussi, étant donné que c'est un projet de territoire. Ouais. Transversale qui concerne d'accord. tout le monde. Donc voilà, tout le monde est engagé à participer et à donner sa contribution pour le mieux vivre dans la CCVA, tout simplement. Et bien sûr, ce beau mot qui est démocratie, on se dit à l'année prochaine. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà pour ce retour sur cette journée joyeuse et fédératrice qui a clôturé la quinzaine de la parentalité avec chaleur et simplicité. Une belle illustration de ce que peut offrir un territoire quand tous les acteurs se mobilisent ensemble pour accompagner les familles, valoriser la parentalité et créer des moments de partage. Merci à tous les partenaires présents, tout particulièrement à Angéline et Delphine, à Pierre Morin pour son témoignage, et bien sûr à tous les enfants, parents et accompagnants qui ont fait de cette bulle d'air en famille une réussite. C'est la fin de notre mag, on se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence.